Eric 23, chambre 310. M. Frost. Chuchotement et soupir. Elle se contorsionne, grimace, se fissure, s'élève. Son ventre se creuse, sa mâchoire se crispe, un cri silencieux. Il plonge en toi avec son gros membre, va et vient doucement, accélère. Ses grandes mains te tiennent aux reins, il ne joue plus avec toi. Il envoie son sexe profond, tu sens ? Il ressort sa queue pleine de ton jus pour te la mettre dans la bouche. Son gros gland s'infiltre entre tes lèvres. Tu têtes le champignon. Il se retient. Tu suces tellement bien. Tu sais comme tu suces bien ? Elle allait, sa main s'active sur son clito. Je l'embrasse pour la retenir de crier. Goûte sa salive chaude, parfumée, fraise. Mon érection est totale. J'enconne doucement pour la faire monter encore, qu'elle m'appelle de toutes ses forces, que son ventre m'absorbe. Il est prêt de venir, tu le veux où ? Il va jouir en même temps que toi, tu sens, il te besogne la bouche. Il va jouir, tu le sens, sa grosse bite te démonte. Elle crie. Ça part du ventre, c'est brutal, ça remonte, transpercé en son sternum qui s'ouvre, ses os craquent, un truc violent. Il te jouit en bouche, son sperme t'inonde le visage, la langue, les dents. Souffle accéléré, je me cabre dans la foulée, nuque pétrifiée. Mon sexe dans le sien ne se contient plus. Je laisse aller, je vois ce gros sexe qui bourre la bouche de ma fiancée et qui jouit en jet saccadé. 8, 9, 12 fois, quantité interminable. Elle avale la tiède écume, j'éclate. Me suspend à ses lèvres, me dissout en coma. Dans la pénombre, j'admire sa silhouette floue qui se lève souplement, murmure. Je reviens. Je retombe en léthargie, comme on retombe en enfance, en rêvant. Nous nous réveillons ensemble, l'un contre l'autre, blottis, dans une chaleur poisseuse qui me titille encore le zob. Et alors, il t'a plu ? Beaucoup, il était très bien, efficace, très doux. Drôle d'époque qui nous demande de l'efficacité jusque dans l'amour, empoulai-je. C'est pas ce que je voulais dire, elle se rattrape. Je suis bête, je voulais dire que j'étais bien partie. C'est pas de ce genre d'efficacité dont je voulais parler. La fossette de sa joue se creuse, elle s'étire. J'aime quand tu me racontes des histoires avec ton sexe. Et j'en raconte beaucoup des histoires. Je tourne et retourne dans ma tête ce que j'ai envie de dire. Elle m'embrasse, j'ai envie de bander. Mon sexe est encore gonflé. Gisant contre ma cuisse, sans vigueur, mais encore plein. J'embrasse sa bouche humide, indécis. Quand j'avais 15 ans, il y avait cette BD, je ne me souviens plus du titre. Une BD cochonne ? Elle pose la tête sur ma poitrine. Raconte. Je caresse lentement ses cheveux courts, légèrement bouclés. Aïda correspond exactement à l'idée que je me faisais de fantômette quand j'avais 10 ans. Qui se souvient de Fantomette ? La taille en moins. Aïda mesure moins d'1,50 m. C'est un jeune couple qui trouve un job dans un grand hôtel. Il s'aime à la folie. Un truc sexuel très fort. Lui, beau gars, elle, asiatique. Je me souviens qu'elle a 13 ans et qu'elle est gaulée comme une bombasse. Sein et cul énorme, taille de guêpe. C'est n'importe quoi, mais ça m'excitait, t'imagines pas ? T'es pas un peu déçue alors ? Elle relève la tête, désolée. Avec mes nichons. Ils sont très mignons, tes nichons. Donc, ils sont embauchés par un boss pervers, super costaud, avec une queue graphique énorme, t'imagines. Lui n'a qu'une envie, c'est se taper la fille. Faut dire, l'hôtel est particulier. Orgie, soubrette, garçon d'étage aux ordres des clients, et le boss qui baise à tout va. Les deux amoureux, eux, ne veulent pas se partager. Ils s'aiment. Obligés de s'habiller sexy pour la fille, de porter le kilt pour le mec. Je sais pas si c'est sexy un kilt, mais comme ça, il a la queue à l'air tout le temps. On les retrouve dans des situations pas croyables pour qu'ils se trompent l'un l'autre. Genre la soubrette qui convoite le mec, réclame un truc sur une armoire pour qu'il monte sur un tabouret, elle le suce pendant ce temps. Lui bande sur le coup pendant que la soubrette s'active, mais au moment où il va jouir d'un ultime effort de volonté vertueuse, il débande. Alors on leur refile des aphrodisiaques à leur insu, on les oblige à servir pendant des partouzes sous l'œil du boss qui se branle derrière des miroirs sans teint. Mais le couple tient bon. Ils se promettent d'être l'un à l'autre pour toujours, en baise frénétique, pour faire redescendre l'excitation. Tous les stratagèmes ratent, jusqu'au jour où le gars est enlevé. On le bat, on l'oblige à sucer des filles et des mecs. Il est attelé à une machine avec un obus qui lui empale le cul. Au début, ça fait mal. Il finit par aimer. Retrouvé seul, sa fiancée ne sait pas ce qui se passe, perpétuellement excitée par le manque et les aphrodisiaques. Trempée de désir, elle va voir le boss pour demander s'il sait quelque chose. Par pure commisération, il sort une énorme pine qu'elle accepte de sucer pour se soulager. Il finit par lui montrer des photos du copain en train de baiser dans des partouzes, même avec des homosexuels, qu'il ajoute. Déçue, la fille pleure. Pour finir, elle s'abandonne aux désirs insatiables et aux assauts déchaînés du patron. C'est pervers comme histoire. Mais ça m'excitait. Quand à 20 ans, je suis tombée amoureux d'une fille et qu'elle est partie avec mon meilleur pote, j'ai pas pu garder le bouquin. Et maintenant, tu veux que je te l'offre? Demande-t-elle en jouant avec mon sexe à peine revigoré. Que je me fasse poser des implants? Que je couche avec ton patron? Quel patron? Non, comment dire? Ça te dirait pas qu'on essaye un truc à trois? Avec un autre mec? Elle reste pensive, grimace. Ou avec une fille? Je la regarde dans les yeux, l'embrasse. Je sais le moment décisif. Ou elle accepte et on continue, ou elle refuse, se braque et me traite d'obsédée. C'est en gros la manière dont les choses se défont la plupart du temps, quand je présente la chose à mes petites amies. Il paraît que les mœurs sont libérées. Moi, je sais pas. Quand je vois les manifs pour tous, je suis pas rassurée. Les mœurs libérées, quelle rigolade. La plupart des filles à qui j'ai soumis l'idée se sont barrées avec un drôle de regard. Paradoxalement, j'ai l'impression que je tombe amoureux et je n'ai pas envie de lui cacher mes désirs. Si elle ne veut plus de moi, si son regard change. Elle sourit, hoche la tête. On peut tenter. Comment on fait? Internet, on passe une annonce? De quoi tu as envie? Je sais pas. Un mec plus âgé, avec de l'expérience. Et toi? À la réflexion, je dis oui. Elle demande, tu veux qu'il te prenne aussi? Ça te dirait de le sucer avec moi? À voir, je me racle la gorge. Elle est rentrée chez elle ce soir-là. Des répétitions tôt le matin. Et je me suis mis sur le net pour prospecter d'une main pendant que de l'autre... Puis j'ai attendu 6 jours avant de la relancer. Aïda et moi, on vit chacun chez soi. On se connaît depuis quelques mois. Le courant passe plutôt bien entre nous. Je loge près de la gare, elle du côté de la plaine. On se retrouve en alternance chez l'un, chez l'autre. Elle est comédienne, je suis régisseur lumière dans un théâtre du centre-ville. Horaire tranquille hors festival, je fais le boulot. Sinon, je joue à la guerre dans l'arrière-pays aixois, tous les dimanches que le Seigneur fait avec un clan, les Hobos with Shotgun. On dénote pas mal dans le paysage airsoft. En dehors des répliques de flingues à air comprimé, ce que j'aime, c'est le sexe et le porno. Alors avec Aïda, j'y vais doucement, à la cool. Le genre de nana qui n'a l'air de rien et qui, sur scène... La semaine suivante, on s'est fait un resto, on a fait l'amour. J'ai rien dit, mais j'avais déjà repéré des mecs sur un site. Le lendemain, je lui ai envoyé un mail. Comme ça, sans avoir l'air d'y toucher. Elle m'a répondu qu'elle était excitée à l'idée. Je lui ai renvoyé ma sélection. Elle en a choisi 3. 3, je lui réponds, en même temps? Elle rigole. On verra plus tard 3 en même temps, qu'elle écrit. T'es libre quand alors? Samedi soir, je ne joue pas, c'est rare. Il s'appelle comment? Eric, 23. Il a 23 ans? Non, 23, c'est soit qu'il y a déjà 22 Eric, soit que... Tu crois? La vache! Eric, 23. 40 ans, en fait. Rugbyman amateur. Travaillait pour une start-up du côté d'Aix. Célibataire. Pratiquait l'échangisme pour un soir ou régulièrement depuis 10 ans. Plan à 3. GB et plus ses affinités. M'a appris qu'il ne savait pas s'il y avait déjà 22 Eric sur le site. Proposa un hôtel à la gare, 20h, samedi, parfait. Aïda est passée avant à la maison. Nous nous sommes longuement embrassés, langoureusement. Elle commençait à s'humecter, moi à bander. Je n'étais plus trop sûre de vouloir y aller. On s'est décollé. Elle s'est isolée dans la salle de bain avec son baise en ville. J'ai patienté en textotant avec Eric 23, qui nous attendait au Novotel, chambre 310. Aïda est sortie de la salle d'eau en beauté. Mon cœur a bondi, ma habite aussi. Son visage rehaussé faisait ressortir ses yeux violets. J'ai eu l'impression de la découvrir sur un plateau, sous la lumière d'un PC de face en 45 degrés, diffus. Alors ? Elle sourit, soupire. J'ai un peu le trac. Tu es magnifique. Je chuchote d'une voix concernée, neutre. Tu veux toujours y aller ? Oui, pourquoi ? T'es pas mal non plus, toi, dis-moi. Le noir te va bien ? Ses yeux brillent. Elle se blottit dans mes bras, avec quelques centimètres de plus dans ses bottines. On traverse la gare. Les mecs se retournent sur notre passage. L'hôtel est à 5 minutes. On passe devant le réceptionniste sans un bonjour, tendu. Dans l'ascenseur, je redemande si ça va. J'ai les mains moites et le cœur battant. Je respire son parfum vanille, vacille. Si ça ne te plaît pas, tu dis stop, ok ? Et on se casse, d'ac ? Oui, elle dit oui et m'embrasse. Elle est légère, gracieuse, enjouée. Chambre 310, on reprend notre souffle. Je tiens sa main fermement pour la rassurer. On toque, la porte s'ouvre. Eric 23 apparaît, grand, légèrement grisonnant, très agréable. Il nous fait entrer. Tu es Aïda ? Enchantée, tu es superbe. Il lui fait la bise, me serre la main. Je trouve ça complètement con. C'est un peu comme dans les pornos dits amateurs. Ils se rencontrent pour la première fois, soi-disant. Ils vont niquer devant une caméra un quart d'heure après, mais ils se font la bise. C'est con, non ? Eric 23 est massif, tatoué, muscles secs, échine de minotaure, grosses mains, sexe de taureau brandi sous notre nez. Aïda retire son gilet, apparaît dans un joli soutien-gorge semi-corseté. Elle est toute petite dans ses bras. Il chuchote dans son oreille, l'embrasse pour de bon, cette fois, avec la langue. Elle lui rend son baiser. Il sourit, se retourne vers moi. « Un verre ? Je vous le sers ?» Aïda répond oui. S'assoit sur le canapé. Eric 23 évolue la queue à moitié bandée jusqu'au minibar. Nous sert une vodka, un whisky, tend la vodka à Aïda, à l'anguille. Elle me regarde, sourit. « C'est joli, ça », dit-il en s'asseyant à côté d'elle, tout en lui caressant l'épaule. « Toi, tu as de beaux tatouages », répond-elle, voix suave. « C'est un peu ma passion, avec le rugby et les jolies filles comme toi », qu'il ajoute. Il glisse sa main dans sa culotte. Elle lui rend ses baisers, se tortille, soupirante, tendue, miellante, majestueuse, moite. « C'est bon, doucement avec tes doigts, je suis trop excitée, là. » « Mais c'est tout mignon, ça », fait-il en découvrant ses petits nichons avant de revenir dans la chatte. « Tu as gardé tes poils, c'est plutôt rare de nos jours. J'aime bien. »« C'est très joli, ça, et ça sent bon », dit-elle en prenant dans sa main le gros sexe torride que ses doigts n'enserrent pas complètement. Elle s'accroche, s'agenouille, l'échouille la quéquette de compète. Il soupire. Elle distend sa bouche pour avaler le gland considérable. Il gémit. « T'es plutôt douée, toi. Regarde-moi, regarde-moi. »« Elle est belle, ta verge, » dit-elle, et branle le mât doucement avec ses deux mains. « Et le calibre ? Waouh !» fait-elle en roulant les yeux. Elle se tourne vers moi, me tend la main, m'invite. « Viens, j'ai envie de vous sucer ensemble. » Je me lève, les rejoins, sors ma tige qu'elle prend dans sa bouche. Elle nous suce tour à tour et puis colle les deux membres l'un contre l'autre. C'est doux, la sensation m'excite. Elle nous embouche ensemble, nous accueille. C'est dingue. Je me laisse aller. Elle suce super, super bien, ta chérie, putain. Puis lui l'allonge, l'embrasse, en salive, descend à la valve, lèche sa moule. Bruit de succion. Il introduit deux doigts, s'attribue l'espace. Elle se laisse aller, vagit paisiblement. Je viens me mettre dans elle. Son sexe brûlant harcèle mon vie. Je baise comme je peux le velours de la chair inondée. Lui tend son braquemar qu'elle reprend entre ses lèvres. Il peut sucer aussi ton copain s'il veut. Tu veux? Demande-t-elle en désembouchant. T'as envie? T'as vu comme elle est grosse? J'adore. Sans répondre, je désenvagine. Tu viens me prendre? Supplie-t-elle Eric 23. Tu m'excites trop, putain, viens. Tu veux? Moi aussi, j'ai envie de te défoncer. Putain, tu es tellement belle. Il se met entre ses cuisses, qui suintent le désir, caresse de son gland phénomène la vulve qui s'ouvre, s'écarte. Le ventre de mon amoureuse enfle sous la poussée qui s'aggrave à mesure que pénètre le boudoir. Elle se soude à lui, l'embarque, s'envole, s'arc, dit qu'elle adore ce qu'il fait. Lui la transperce, la distend, infatigable. Coup rapide impact, l'en-va-et-vient conciliant. Tronche, dit-elle, tronche, crie qu'elle mouille, murmure qu'elle est une salope, une pute. Il lui dit qu'elle est sa salope, sa petite pute. Elle lèche la salive, sa sueur. Lui me mate quand il ramonne, la retourne en levrette. Elle cambre, il la tient aux hanches, dit qu'elle est tellement étroite, juste ce qu'il lui faut. Ajustée parfaitement à son gros ob. Elle tente, elle répond oui, oui, qu'il est tellement gros et dur. Il lui demande de sucer encore. Elle s'agenouille, bouffe les couilles, reprend la colonne de Carrare au fond de sa gorge, s'étouffe en riant, des larmes effleurent dans ses yeux. Elle continue. « Alors, tu veux ?» qu'il me demande en proposant son phallus. Il se tourne vers moi. Elle prend le sperme dans sa bouche. Il désenconne. Elle s'allonge sur le dos. Je m'approche pour voir, me masturbe au-dessus de son visage. Quand je vois le foutre du pâle fuser en flocons sur les lèvres de ma chérie, je jouis à mon tour, explose sur sa langue. Elle mange le sperme, nettoie les verges avec ses lèvres, aspire doucement, joue avec nos sexes. Nous reprenons nos souffles sur le grand lit de l'hôtel. Elle se laisse aller sur nous. « Alors ?» demande Eric 23. « C'était votre première, hein ?» Si ça vous dit, on remet ça un autre jour, c'était parfait. Une première, oui, super, répond Aïda qui se tourne vers moi. Et toi, ça t'a plu? Je fais oui de la tête en me refroquant. Elle s'habille. Nous laissons là Eric 23, qui lui demande son numéro. Elle le lui donne. Et on le laisse là, affalé, son gros sexe démesuré, à moitié débandé. Je lui serre la main, elle l'embrasse sur la joue. Dans l'ascenseur, elle reçoit un texto d'Eric 23. Je le vois sur l'écran. Elle lit le texte en silence. Je demande « Qu'est-ce qu'il dit ?» Elle me sourit, m'embrasse. « Qu'est-ce qu'il dit ?»